Et bonjour tout le monde, on se retrouve enfin, on se re-retrouve, parce que techniquement en fait on se retrouve, enfin, on se retrouve, et on se retrouve pas, puisque vous nous avez déjà retrouvé la semaine dernière, logiquement. Donc là on se retrouve, mais en fait on se retrouve différemment, parce que la semaine dernière c'est un épisode qui était enregistré avant qu'on arrête d'enregistrer, parce qu'on avait des obligations, et là du coup on a moins d'obligations, donc on réenregistre, donc du coup on se retrouve vraiment, et Donc de ce fait... du coup, on a arrêté d'enregistrer, mais on n'a pas arrêté d'enregistrer. On n'a pas, en fait, on a arrêté d'enregistrer pour, parce qu'on n'a pas arrêté d'enregistrer, mais on devait arrêter d'enregistrer parce qu'il fallait qu'on enregistre. Ah ouais. Tu Ouais, vois non, le... la logique est présente, effectivement. C'est pour ça. Donc, du coup, on vous souhaite de façon plus que hipster une bonne année, tu vois, enfin une bonne année dans le sens que, enfin une année en espérant qu'elle soit bonne, parce que quand on dit bonne année, c'est genre on te fait une promesse qu'on ne pourra pas tenir. Donc on te souhaite une année en espérant qu'elle soit moins pire que celle de l'année dernière, tu vois. Donc on te souhaite une année nouvelle en fait. Voilà, c'est on te souhaite une nouvelle année en fait, parce que c'est plus la même année, c'est une nouvelle. Donc, enfin c'est un peu con, c'est vraiment l'usage abusif des mots et des sens que personne ne comprend. Oh, ce mec est fatigant. Mais on a aussi, parce qu'on en parlait, on discutait avec lui avant l'émission. L'émission ne peut pas se faire sans une équipe technique. Exactement. Sans une équipe technique. Et il faut savoir qu'avant d'enregistrer, il faut qu'on arrive à calibrer les micros de façon à ce qu'il n'y ait pas un son plus fort que l'autre. Et il y a des gens qui sont là pour ça, il y a des gens qui nous aident. Et c'est pourquoi, donc, au nom de la radio, au nom de nous deux, hein, parce qu'on est que deux finalement, et de toute l'équipe qu'il y a derrière nous, bien sûr, on vous souhaite une très bonne année. Et on va passer le micro, voilà, c'est un petit hommage à Gérard, notre technicien en fait de niveau de son, qui voudrait vous souhaiter une bonne année. Gérard, c'est à toi. Les micros sont bien réglés. Voilà, merci, merci beaucoup Gérard. Voilà, comme vous Merci pouvez l'entendre, en plus, énormément. il est capable, en fait, il est Gérard est un homme de multiples talents. Il sait faire le ménage, il fait les niveaux de son, et en plus il est polyglotte. Ça veut dire qu'il peut en fait parler et parler par-dessus. En fait, il peut faire un canon à lui tout seul. Exactement. Voilà. Donc voilà, on tenait à faire ce petit hommage avant de commencer l'émission. Et on espère que vous allez bien, parce que nous, on va très très bien. Enfin, même super bien. On est un peu dans l'euphorie. Hein. Non, post, c'est après ou avant? C'est avant. Post, oui, post, Poste, c'est pré. après. Donc Poste, c'est après. pré-Noël. On est dans l'euphorie pré-Noël, parce qu'en fait, on enregistre, mais Noël n'a pas encore eu lieu. Et donc du coup, on attend encore nos cadeaux. Donc ça va bien pour le moment. Oui, enfin, moi j'ai déjà le mien. Oui, enfin techniquement maintenant on a plus ou moins des cadeaux qui sont déjà arrivés, mais on attend Ah, oui, vraiment non, les mais moi cadeaux. j'ai le mien de avant Noël, en fait. J'ai le cadeau de Noël que je me suis fait à moi-même. Voilà, oui, parce que oui. Et moi aussi, partant de là, moi aussi j'ai des cadeaux de Noël que je me suis fait à moi-même. Mais les cadeaux, voilà, c'est le cadeau des proches, c'est le truc, c'est de savoir qui tu gardes ou pas dans ta famille, qui voilà. Toujours cette excitation de dire, putain, est-ce que lui je vais le virer, est-ce que lui je vais pas le virer, est-ce que lui je vais aimer, est-ce que lui je vais pas aimer, est-ce que je vais avoir un bon d'achat Noël, je ne sais pas. Est-ce que je Donc, vais avoir une carte cadeau pour Sephora c'est alors ça que ou je suis un homme? voilà, est-ce que mon frère a gardé le ticket de caisse? C'est toujours cette petite angoisse qui Ça, crée c'est. une espèce d'adrénaline avant Noël. Donc c'est vrai que là, donc du coup on enregistre avant Noël, donc forcément on peut pas vous faire une émission où on va vous dire, bah tiens, qu'est-ce que parlons de Noël, de ce que nous avons eu, de ce que vous avez eu, de voilà, de ce qu'il ne fallait pas manquer pour Noël, parce que on va pas faire une émission qui parle de Noël alors que Noël est passé. Ce que nous faisons dans l'intro. Alors, on va pas faire une émission de Noël alors que Noël n'est pas passé, alors que Noël est passé. Voilà, parce qu'on peut pas faire une émission de Noël alors que Noël n'est pas encore présent, et on peut pas faire une émission de Noël parce que Noël, bah, c'est passé. Voilà. Non, mais il y a une logique là-dedans, mais on va pas vous demander de la chercher parce que même nous, on la trouve pas. Non, c'est trop compliqué. Non, donc sur ce, en fait, nous on s'était dit voilà, ça va être diffusé en 2016. 2016 qui sera une nouvelle année de plein de choses, Voilà. d'un point de vue économique, politique. Une nouvelle année de type, eh bien, nouvelle. Voilà, avec C'est là que c'est des nouvelles terrible. choses. Avec des nouveautés dans la nouvelle année. Voilà. Et Bon, là, c'est. nous, par nouveauté, on entend nouveaux jeux vidéo. Voilà, hein, principalement parce qu'on est des gros nerds de merde. Hein. Exactement, et que du coup, pour nous, en fait, la nouvelle année commence à partir du moment où il y a un jeu novateur qui sort, ou du moins un nouveau titre qui sort, ou une suite nouvelle. Un nouveau, c'est ce qu'ils appellent les nouveaux IP, je crois, les nouvelles licences. En anglais, ils appellent ça les IP. Un peu comme une adresse, hein. Mais c'est pas une adresse parce que tu peux pas mettre j'habite à je sais pas quoi comme jeu. J'habite à Gone Home. C'est ça, j'habite à Gone Home Moi, j'aime dans le beaucoup, hein. département de la C'est Creuse. le blé de la Creuse, t'as vu? T'as vu Aïe. le blé de la Creuse? Aïe. Ah, mon frère. Tout à Ah, fait. là, c'était en fait la moitié, tu vois, c'était le mec allemand qui vient du bled, hein. C'est le mec allemand du bled élevé par une famille de gros blédards Putain, j'ai cru que t'allais utiliser un autre mot, en fait. Non, je pèse mes mots pour la nouvelle année. Et qui est devenu dealer de drogue, qui s'est mis à traîner dans les rues, à tabasser les enfants plus jeunes que lui, et qui en plus, en fait, dû à une crise économique, et bah, dû suivre ses parents dans la Creuse. Donc du coup, ça fait une racaille blédard allemande de la Creuse. Moi je dis ça se fait. Moi je dis ça se fait. Ça se fait carrément. C'est pour ça, moi, après, vous savez, on ne fait pas de politique ici, mais il y a des partis qui sont pour une espèce de modification économique et de... Voilà une modification économique et une modification des frontières, n'est-ce pas? Tout à fait, n'est-ce pas? Il y a des partis, voilà. Je peux pas dire que voilà, ils sont foncièrement nonchalants dans leur façon de faire, et il serait franchement négligeable de voter pour eux. Voilà, tu vois, ça c'est un débat dans lequel je ne rentrerai pas, Mais hein. après, chacun fait comme il veut, hein. C'est pas une fois qu'on sera tous le cul serré à la Creuse qu'il faudra se plaindre. C'est exactement ça. Parce que s'ils veulent créer une nouvelle Chine en Creuse, c'est le moment, hein. Bien parti pour. Non mais voilà, donc on va se. Effectivement, nous en plus, là vous avez vu, et c'est là qu'on va se rendre compte. À quel point on est dans le thème, hein, puisque Puck, notre cher Puck, a Oui. pris des décisions de début d'année, alors que nous on n'est même pas le 20 décembre, hein. Il a déjà pris ses, vous savez, comment ça s'appelle? Les résolutions, tu vois, les bonnes résolutions. Oui, voilà, les bonnes résolutions, oui. Il a pris les bonnes résolutions, donc il a arrêté de parler d'arabe et de trucs comme ça. Je n'emploie plus de termes ethniques, c'est fini. Voilà. Ce qui est bien chiant en réalité. Que des mais images maintenant. Que ce des qui est métaphores. franchement pire ce qui est franchement pire et du coup en fait on s'est dit merde mais qu'est-ce que c'est qu'on pourrait faire que quoi qu'on pourrait faire. Oui, ce qui dit nouvelle année dit nouvelle émission. Enfin, nouvelle. C'est toujours la même merde, hein, avec les mêmes cons. Oui, mais le fait de ne plus faire de blagues racistes, c'est déjà novateur. Oui, c'est vrai. C'est vrai que pour les auditeurs, ça va pas mal changer. Ça a Ça pas mal peut changé. être déroutant, c'est-à-dire qu'on attend la petite vanne bien sentie avec, tu vois, sur Mahmoud ou Mohamed, ou Ou Jacob, Jawad. voilà, ou Ching-Pong, ce que tu veux. Et ben non, c'est fini tout ça, c'était l'ancien moi, c'était le mois 2015, le mois 2016 est plus tolérant. Voilà. Sauf qu'on n'est pas encore en 2016. Donc c'est là que ça devient drôle. Voilà, mais comme on est obligé de s'adapter parce que l'émission sera diffusée en 2016, du coup on est obligé de nous en fait basculer en 2016 en 2015. Retour vers le futur. C'est ça. Mais par contre, c'est pas la peine de nous envoyer des messages pour les paris sportifs, on sait pas. Ouais, non, ça va. L'almanach, je l'ai pas avec moi. J'y D'ailleurs, ai pensé, hein, mais. honnêtement, est-ce que ça se fait encore en almanach? Franchement. Je pense qu'il y en a un. Hein. J'ai C'est ça envie le de dire, le problème. football, ça existe toujours, donc. Enfin, Les almanachs doivent là, quand en même. 2015, ça existe toujours. En 2016, on ne sait pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais, Ça j'espère se qu'en trouve. 2016, le football aura disparu. Ça se trouve, là, en 2016, vous serez en train de nous écouter à travers des implants, en fait, que vous avez dans le cerveau qui diffusent, en fait, la radio. Parce qu'Internet, maintenant, sera dans une puce qui est dans votre cerveau. Ça me fait penser à un sketch de. Comment il s'appelle? François Pérusse. Où justement, c'est sur le passage de 99 à 2000. Il s'imagine les voitures volantes. Non, et en fait, il fait, ouais, on est en 1999, et puis 3, 2, un, et puis d'un coup il y a une espèce de gros, tu vois, genre bruit de machine qui s'éteint et tout. Ah, tu fais merde, qu'est-ce qui se passe? Oui, tu fais très bien les bruitages, fils. Et les personnages sont là, mais merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis d'un coup t'entends la sonnette, ils vont ouvrir. Et t'as un mec qui fait bonjour, je suis l'homme de l'an 2000 comme imaginé dans les années 60. Ah bonjour monsieur l'homme de l'an 2000 comme imaginé dans les années 60. S'il vous plaît, vous pouvez m'appeler comme imaginé dans les années 60. Et c'est énorme parce que comment c'est genre d'un coup, clac, t'as tout qui change mais dans la seconde quoi, tu vois. C'est pour eux, tout change dans la seconde. Tu passes à l'an 2000, ça y est, tout a changé. Et j'avais trouvé ça mais tellement énorme quoi. C'était tellement bon. En plus ce qui est drôle c'est que c'est un épisode qui a été fait quand même sur ce qui était craint à cette époque-là, c'est-à-dire qu'effectivement de passer déjà il y avait la fameuse crainte du bug de l'an 2000. Oui. Finalement qui est arrivé suite à la mort de Steve Jobs, mais oui, enfin à ce moment-là, c'était pas un bug hein. C'est juste que il a géré pour que les appareils Apple arrêtent de marcher quand lui il... Ah non, ils ont déjà marché les appareils Apple ? Certains, oui. Ça dépend comment on les utilise. Maintenant, je suis obligé d'avoir un avis un peu différent parce que j'ai un iPhone. Donc, forcément. Oh, putain de vendu. Forcément, voilà. Putain de vendu de merde. Non, t'es plus mon fils. Non, mais j'ai des opinions qui ne divergent pas sur les produits Apple, mais j'ai un point de vue plus modéré. Je suis passé de c'est de la merde à c'est privatif, c'est trop cher. Tu peux dire c'est de la merde, c'est privatif, c'est trop cher, tu vois, genre. Mais non, parce que du coup, une fois que t'as un appareil Apple, en fait, tu apprends à développer tes arguments sur la marque, donc. Non, mais en fait, je l'ai parce que... Enfin... Voilà, quoi. Je l'ai parce que... Parce qu'il y avait une promo chez Orange, putain. Fils, tu es faible, fils, tu me dégoûtes. C'est comme pour Maître Gims. J'ai un point de vue qui diffère. Ah oui. Ah alors ça c'est une. Je pense que c'est une anecdote qu'on peut raconter ici. Tu vois. Je pense que c'est une anecdote qu'on peut raconter ici parce que il y a du niveau. Moi je le dis direct. Il y a du niveau. Il y a du gros gros niveau. Il y a du gros niveau. Parce que j'ai offert. Parce que voilà. Maître Gims passait à côté de chez nous. Et comme il passe en décembre, je me suis dit, bon, j'avais des idées de cadeaux de surprise pour ma copine, mais je voulais trouver un truc à l'original. Et je me suis dit, bon, bah, soyons fous, j'ai pris deux places pour Maître Gims. Je me suis dit, parce que si je n'en prends qu'une, ça fait quand même gros connard. Si j'en prends deux, je lui dis, t'emmènes qui tu veux. T'en prends qu'une et tu lui dis, vas-y. Tu lui dis, tu sais, elle est là, genre, oh mon Dieu, c'est trop bien, merci. Non, mais attends, c'est pour moi. C'est pour moi. Je vais d'abord voir ce que ça donne et après, peut-être que je t'emmènerai. Attends, oh, je vais pas te mélanger avec une populace. On ne voit pas bien dans une salle sombre. J'ai dit que je n'utilisais plus de termes, que des images. Non, par contre, non. Par contre, c'est vrai que pour la blague, avec ma copine, on avait effectivement la petite angoisse de se retrouver un petit peu dans un public de gros cassos, en fait, de bolos et de racailles et de rebeux et de renois, finalement. Hein. C'est voilà, le gros cliché, le gros a priori. Oui. Et on était surpris, en fait, de voir que tous les noirs étaient dans le fond de la salle. Et que dans la fosse, il n'y avait que des blancs. Non, mais je... Non, mais tu vois, on s'est senti très con à ce moment-là, parce qu'on s'est dit, putain, voilà, et pas de... Enfin, voilà, et pas... Non, mais en fait, je pourrais faire une espèce de vieille blague raciste. C'est la ségrégation, putain de merde. Bah non, c'est parce que comme c'est tous des basketteurs, ils ont pas besoin d'être devant, quoi. Tu sais, je pourrais faire ce genre de blague. Mais je ne le ferai pas. Mais elle est très bien. Parce que voilà, je suis sage. Comme dirait le mec de la pub, préjugé. Ok, j'ai pas la référence. En tout cas, on va commencer quand même parce que ça fait un quart d'heure qu'on enregistre. Oui, enfin tout ça pour dire que je me suis envahi au concert. Alors que Maître Gims, en soi, je plaire pas plus que ça. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, mon fils a kiffé Maître Gims. Mais là encore, faut-il nuancer. C'est-à-dire que j'ai kiffé l'ambiance du concert. C'est l'ambiance du concert qui m'a porté. J'aurais été seul dans la salle avec juste lui sur scène. Je me serais peut-être fait un peu chier. Oui, enfin, quand même, Maître Gims, merde. Oui, non, mais voilà. Mais après, moi, je me suis engagé sur par rapport à l'ambiance. Du coup, c'était tellement, voilà, c'était festif, c'était sympa. Ah bah oui, oui, ça devait être festif. Je l'écoute à la radio ou ma copine le met dans la voiture, je mangeais pas du tout pareil. Tu écoutes à la radio ou ta copine le met dans la voiture, il y a un moment de chérie, je te quitte. C'est ça, il y a un moment de, c'est marrant, avec la foule en délire, ça rend beaucoup moins bien. Non, sans la foule en délire, ça rend beaucoup moins bien. Sans la foule en délire, c'est une espèce de différent, je perçois une nuance. Non, parce que tu vois, tu m'aurais dit que c'était pour Orelsan, j'aurais compris, je l'ai vu en concert. Et en concert, le mec il déchire. Et tu me dis, pour Maître Gims, ah là, désolé, je perds un peu tout le respect que j'ai pour toi, fils, quoi, quand même. Hein, sois honnête. Oui, mais en soi, Orelsan, on te le fait écouter comme ça, sans plus. Ah si, ces textes sont très très très très bons. Les textes d'Orelsan sont véritablement excellents. Ça dépend des chansons, mais la plupart des chansons de son deuxième album, elles sont quasiment parfaites, hein, faut être honnête. Pas toutes, bien entendu, mais y a quand même beaucoup qui sont super classe, quoi. Mais enfin, pour essayer de sauver l'honneur, je l'ai pas emmené voir Jules non plus, hein. Oui, non, c'est clair. Parce que là, déjà, ma copine fan de Jules, déjà, ça serait quelque chose que je ne pourrais pas, peut-être pas, vivre sereinement. Mais là, j'aurais même pas fait l'effort, hein. Oui. Alors là, je lui offrais une plaque de chocolat pour Noël et puis c'était bouclé, hein. Tu lui offrais une plaque de chocolat en lui disant, voilà, je te quitte. C'est ça. Le chocolat, c'est pour te. C'est pour t'inconforter. J'ai pensé à la glace au début, mais c'était plus cher, alors bon. C'est ça. Ça va, j'en ai eu pour 2€. Arrête de me casser les couilles, hein. Et en plus, il est pas fondu, alors ta gueule. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que l'année 2016 serait une année nouvelle, et donc nouvelle aussi dans le jeu vidéo, et on s'est dit que ce serait intéressant de faire le tour des sorties sur l'année 2016. Alors, de pas toutes les sorties, parce qu'on va pas s'éclater à faire toutes les sorties non plus, de s'attarder sur les gros titres qui vont sortir, sur les titres peut-être prometteurs qui vont sortir. Qui nous semble prometteur, et en sachant que bien sûr c'est toujours changeable vu qu'il y a des sorties, il y a des jeux qui sortent en cours d'année qui n'étaient peut-être pas prévus, ou on n'était peut-être pas informé, ou voilà, la date n'était pas posée. C'est-à-dire que là, jeux, on sait qu'ils vont sortir, mais on ne sait pas quand est-ce qu'ils sortent. Donc, c'est ça. Bonjour FF7 Remake. Voilà. Avec le trailer, hein, je ne sais pas si toi tu l'as vu, ce trailer de gameplay qui est sorti il y a quelques temps. Je l'ai vu, j'ai aussi vu la nouvelle espèce de suppositoire à l'acide chlorhydrique qu'ils viennent de mettre un petit peu aux fans, gentiment, hein, avec une petite pichenette. Alors là, je suis pas d'accord. Directement, je vais rentrer dans le débat, je vais y mettre fin. Tu vois, c'est genre, je rentre, je lui mets fin, hein, immédiatement, soyons honnêtes. Je rentre dans le débat, j'y mets fin, mais le fait que soit un format épisodique, c'est une bonne chose. Pourquoi donc? Parce que tu as vu la taille de Final Fantasy VII, oui. Le jeu de base, hein. Oui. C'était plus qu'immense. It's true. Je pense que là-dessus, tout le monde est d'accord, c'était plus qu'immense. Tout ce qui se passait était juste... Il y avait énormément de choses qui se passaient, et du coup, on ne pouvait pas toujours être en mode... voilà, même moi, tu vois, il y a des subplots, des trucs comme ça que j'ai fait, parce que j'ai fait le jeu. Il y a des subplots et des trucs comme ça que je n'ai toujours pas retenu et que je ne connais toujours pas, tu vois. Parce que c'est juste beaucoup trop dense, beaucoup trop immense. La carte du monde, j'en parle même pas. Beaucoup trop de choses. Parce qu'il y a beaucoup trop de choses. Maintenant, imagine que ça déjà sur PS1 à l'époque, avec des graphismes donc en SD. Hein, soyons d'accord, c'était de la SD. Avec des graphismes en SD, ça faisait 3 fois 700 mégas. Donc, ce qui à l'époque était immense, oui. Puisque ça faisait quand même un tout petit peu 2 gigas, quoi. C'est ça. Hein, t'avais quasiment 2 gigas de fichiers pour un jeu PS1. Hein, Pour vous dire, un jeu de PS2 normal, c'est plus ou moins 2 gigas. D'accord ? Pour que les gens se situent bien. Ça tenait sur plusieurs CD. Oui, mais ça tenait sur plusieurs CD, mais la quantité est quand même là. Maintenant, dis-toi qu'un petit jeu, on va prendre un tout petit jeu comme GTA V, actuellement, qui est presque aussi rempli que FF7. Et je mets bien le presque, parce qu'il y a... On est sur du 55 gigas. On est sur du 60 gigas. Ouais, ça dépend des plateformes, après, comment ils... Enfin, ouais. Mais voilà, c'est entre 55 et 60 gigas. Sans compter les mods. Sans compter les mods, sans compter tout ce qui a été fait autour, voilà. En fait. Ouais. Voilà, donc maintenant imagine ce que ça donnerait FF7 avec tout le contenu qu'ils ont de base. Hein, le contenu qui était là dans le jeu de base, sans rien enlever. Et en rajoutant des choses, parce qu'ils ont rajouté des choses. Le contenu qu'ils ont de base... Avec des graphismes HD. Ben, j'imagine une solution moins coûteuse, moi. Quelque chose qui, tu vois, qui ressemble moins à un suppositoire. Tu me fais peur. Ben, c'est comme il y a plusieurs jeux qui l'ont fait, qui auraient pu faire des sorties épisodiques aussi, histoire de s'en mettre un peu plus, toi, de faire du 60 balles, 60 balles, 60 balles. C'est de faire plusieurs CD. Oui, mais alors, justement, c'est là que je veux en venir. GTA V. Pour sa sortie, combien de temps est-ce qu'il a été en développement? Est-ce que tu t'en souviens de ça? Le 5. Ouais. Ça faisait un moment qu'il travaillait dessus, je crois. Le 5, il a été en développement pendant quasiment 7 ans. Oui. Voilà. C'était presque une dizaine d'années qu'il bossait dessus. Presque 10 ans pour GTA V. Donc imagine FF7 qui sont en train de travailler dessus depuis... Quoi, on va peut-être dire 2-3 ans parce qu'on n'a pas vraiment d'infos. Ah, là d'un coup tu fais ah ouais merde. Donc en fait ça leur permettrait de sortir ce qui est déjà jouable pour continuer à travailler sur le reste en fait. Voilà, c'est ça, et ça leur permet de financer, parce que ça coûte cher quand même, faut payer les équipes, faut payer les scénaristes puisque le scénario a été revu, faut payer les graphistes, faut tout payer. Oui, et ça permet de dire financer. Qu'avec tous les jeux qu'ils ont, tous les produits dérivés qu'ils ont, ils ont pas déjà un financement qui a déjà été fait en amont? Il y a très peu de jeux Square Enix en eux-mêmes, hein, vraiment Square Enix, et pas un truc qui a été développé par un autre truc et sorti par Square Enix. Je te parle des jeux développés par Square Enix, d'accord ? Il y en a très peu maintenant qui sont toujours dans le marché, il y en a très peu qui sortent. Parce que le dernier, je suis en train de réfléchir, le dernier vrai jeu, enfin le... Un des vrais jeux Square Enix là qui devrait sortir, c'est quand même FF15. FF15 qui est annoncé depuis FF13, qui est annoncé depuis FF13, puisque à la base il devait s'appeler Versus Final Fantasy 13, d'accord? Oui. Il est sorti quand FF13? Tu vas vérifier ça pour moi. Alors FF13. On va taper rapidement Final Fantasy 13. On va même regarder, tiens, allez. On va se faire plaisir, on va taper Final Fantasy 15. Juste. Décembre 2009. Voilà. Donc 2009, donc FF15 est prévu pour 2016. Donc pour cette année. Alors j'ai une autre date de sortie qui est mars 2010. Donc peut-être que c'était sorti... Non mais après, de toute façon, soit... 2009-2010, qu'on s'en fout. J'ai envie de dire, voilà. Non mais alors, ta mère, jeuxvideo.com, il n'y a même pas d'infos réelles sur à quel moment est-ce qu'ils ont, ils ont vraiment annoncé FF15. Et ça fait au moins 5 ans qu'ils bossent dessus. Au moins. Alors pourquoi ne pas sortir FF15 pour financer FF7? Mais parce qu'ils sont en train de continuer de bosser sur FF15. FF15 sort cette année. Mais t'imagines s'ils prenaient 10 ans pour financer FF7? Tu vas pas me dire que les fans ne seraient pas capables d'attendre. Mec, ça fait 15 ans que les fans demandent FF7 Remake. Ah, je dis 15 ans, j'abuse un peu, mais ça fait depuis la sortie de la PS3. Ouais, mais il y a une contre-mesure. Tu peux être fan en te disant, je préfère attendre et avoir le jeu que je paye une fois, quitte à avoir, je sais pas moi, 15 CD, je m'en bats les steaks, mais je le paye une fois, plutôt que de devoir foutre à chaque fois dans des épisodes. Parce que t'imagines le truc, c'est-à-dire que même si t'as beaucoup d'heures, t'as quand même des gens qui te sucent le jeu, mais de façon extraordinaire, parce que c'est des fans absolus. T'imagines le truc, tu finis l'épisode, il suffit que ça finisse sur un putain de cliffhanger, et puis là tu fais, ben faut que j'attende encore peut-être 1 ou 2 ans pour le prochain épisode, ou 1 an pour le prochain épisode. Ah mais non, mais on sait pas combien de temps il y aura entre les épisodes. Et de ce qu'a dit, parce que c'est là qu'il faut se renseigner, hein, faut vraiment bien se renseigner là-dessus, de ce qu'ils ont dit sur comment sur FF7 Remake, chaque épisode sera aussi dense qu'un jeu complet. Et on ne sait pas encore combien d'épisodes il y aura. Il y en aura peut-être en tout 2 ou 3. Tu vois, ça Bah, sortira avec peut-être autant de. si c'est 2 3 épisodes, ok. Maintenant, enfin, je suis toujours réticent. Toi, je me dis autant sortir le jeu en une seule fois, avec bon toujours l'espoir que ce soit fini malgré le fait que tu vois, il faut jamais se presser. C'est-à-dire que même moi, toi, je me dis des fois, je me dis ouais, j'ai la demande de, je veux que le jeu sorte, mais je préfère largement poireauter, avoir des reports. Pour avoir un produit fini et pas, tu vois, l'avoir tout de suite, tu vois, sur la date qui a été annoncée, ou même plus tôt, et avoir un produit qui, pendant plusieurs mois, je vais bouffer des patchs pour le débugger, ou qui va être reporté, enfin, qui va être annoncé, reporté, réannoncé, re-reporté, et qui au final, en fait, est une bouse absolue. Ah ben oui, mais j'ai envie de dire comment Watch Dogs? absolument pas. Non, mais Enfin, Watch Dogs n'est pas une bouse absolue, mais ça veut oui, dire non, que mais comparé à l'attente qu'ils ont fourni par rapport au visuel, qu'ils ont fourni par rapport à tout ce qui a été fourni et à l'espèce de pression qu'ils ont fait grimper avec les reports, quand t'avais le jeu en main, t'étais content, mais tu vois, c'était montagne russe, t'arrives au sommet du truc, puis oh, t'avais une espèce de mi-descente, quoi. C'est genre, mais c'est ça? d'accord, donc tu veux qu'on parle d'une vraie déception vidéoludique? Vas-y. Duke Nukem Forever. Ah oui, non, 14 ans d'attente pour ça. ça a été vraiment, enfin ça a été craché la gueule des fans, mais pire que ça, quoi. Bah en fait non, parce que si tu regardes Duke Nukem Forever, L'esprit est là, mais c'est le Duke Nukem qu'on a connu dans les années 80-90 qui a été remis au goût du jour. Tu vois, qui a c'est. été mal remis, c'est-à-dire que, enfin c'est vrai que l'esprit, les vannes, le personnage était là, mais après c'était le Ben, au niveau du gameplay, c'est un gameplay classique de 2015, au final. Si tu regardes, c'est un gameplay classique de jeu vidéo de 2015. Le truc, c'est qu'on en attendait peut-être plus que ça, parce qu'on se disait Duke Nukem, c'est quand même un truc qui a lancé à l'époque les FPS. Ça a quand même été un des premiers vrais FPS qui a été lancé. Et du coup, c'est vrai que quand tu vois ça, tu fais putain. C'est vrai que je suis déçu, quoi. Ben après moi, moi ce qui m'avait déçu, c'est que c'était vraiment le pas autant le gameplay. Je me dis que tu peux faire un truc genre juste une retouche visuelle qui s'adapte à l'époque, en gardant le gameplay que t'as su kiffer sur toi à l'époque, ou qui un gameplay qui s'adapte à l'époque actuelle. C'était juste après les niveaux, l'enchaînement, la construction scénaristique. Enfin toi, c'était le personnage était là, Classique. mais après c'était mou. Ah oui, mais c'était classique. Si tu regardes un Duke Nukem, premier du nom, T'as quand même vachement plus de peps. tu déconnes, c'est mou. Si tu sais pas où aller, tu tournes pendant 15 ans dans un endroit, t'es là genre, je vais où? Ouais, mais au niveau contenu, t'avais plein de trucs. Enfin, il y avait quand même un peps qui manquait, quoi. Enfin, honnêtement, mis à part pouvoir jouer avec son caca au début du truc, après c'était, tu voilà quoi, tu ça s'est soufflé super vite. Ah bah oui, mais ça c'est le. Ça c'est le. C'est le. Honnêtement, le meilleur du jeu, c'était au début, quand tu balançais ton caca partout et que tu t'amusais à faire des bites avec les crayons sur le tableau blanc, quoi. Voilà. Oui, Mais mais après, après, t'avais c'est fait du le tour du FPS. truc. Après, c'est du FPS classique. C'est ce qui a été. Et c'est ce que moi j'ai pas compris. Tu vois, les gens en attendaient un truc tellement énorme que forcément, quand ils ont vu ce que c'était pour de vrai, ça fait un peu genre. Ah, c'est ça? Genre. Ah. Tu vois, genre limite, merde. On a vraiment attendu ça pendant 14 ans. Tu vois, parce que le truc, c'est que c'est devenu, c'est ce qu'ils appellent les Arlésiennes, tu vois. C'est des trucs, ils sont là, mais t'y crois pas, tu vois. C'est, on t'en parle, on te parle de genre FF7, le remake. Tu vois, on l'a attendu pendant combien de temps? Pendant 5-6 ans, facile, hein. Facile. Tu vois, j'en entendais parler. Tu te rends compte maintenant, enfin. On tombe dans une espèce de ballon de baudruche dégonflé dans l'univers du jeu vidéo. C'est-à-dire que il y a des bonnes choses, mais elles arrivent jamais là où on les attend. Non, il y a des bonnes choses, mais le public n'est jamais content. Le public n'est jamais assez partant pour les faire. C'est-à-dire qu'on va t'annoncer un jeu qui a l'air super, les gens vont être là, ah ouais non, c'est de la merde. Tout ça parce que à un moment, ils vont avoir entendu un truc là. Tu vois, la hype, tout le monde, mais tout le monde. J'ai vu quasiment personne qui, quand FF7 Remake a été annoncé, s'est dit, ça va être de la merde. Personne. J'en ai vu quelques-uns, mais tu sais, c'est les mecs, en tant que personne, moi je les connais, c'est les rageux. Il y a eu l'annonce du dernier Star Wars, les mecs, ils étaient, oh, ça va être de la merde. L'annonce du dernier, je sais pas, Avengers, oh, ça va être de la merde. L'annonce de machin, oh, ça va être de la merde. Ouais, mais c'est parce qu'ils ont un truc un peu, enfin ils sont trop arrêtés, mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a l'habitude de voir maintenant, et tu vas pas me dire que sur un ratio il y a plus de réussite que de flop. Bah en fait, pour les bons trucs, mais le souci étant qu'il y a beaucoup de promesses foireuses. Il y a beaucoup d'abus de licence maintenant, et ça c'est partout. Et c'est partout. Et donc, du coup, c'est vrai que même au tout début, quand ça s'est fait, effectivement, avec l'arrivée des nouvelles consoles, tout ça, tu te dis, waouh, ouais, putain, c'est. Mais on tombe tellement dans un abus que. Et puis, dans des, même au niveau des nouvelles licences, des trucs qui, finalement, on te vend de l'or et tu te retrouves avec du plastique, quoi. Et du coup, c'est vrai que maintenant, t'as des gens qui vont avoir des abus plus arrêtés, mais. Moi, je comprends les gens qui, tu vois, qui, ouais, bah, je suis content. Mais, parce que je partage un peu ce point de vue. C'est-à-dire que, tu vois, bon, FF7, moi, je suis pas en soi, je suis pas un super fan des FF. Donc, ça me fait, je veux pas dire que ça me fait un peu ni chaud ni froid. Fait ni chaud ni froid. Mais après, c'est vrai que, enfin, je vis d'angoisse peut-être pour les fans, c'est de me dire, voilà, est-ce qu'il va pas être juste beau? Est-ce que finalement, ça va, enfin, toi, est-ce qu'ils vont pas perdre quelque chose? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont pas, à vouloir trop en faire perdre quelque chose, en fait. Quelque chose qui était unique au FF7 et qui risque de tuer, tu vois, en voulant peut-être changer des trucs, rajouter. Ah oui, mais alors à ce moment-là, faut pas faire de remake. À ce moment-là, tu restes sur l'original. Moi, ce qui m'a dégoûté, c'était de voir les gens qui, justement, disaient c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde. Ces mêmes gens qui disait quand il y a le gameplay le trailer gameplay qui est sorti, qu'on dit mais pourquoi c'est plus du tour à tour, les gars, on est en 2015. Une des seules licences qui garde encore le tour à tour dans ses jeux, c'est Pokémon. Ouais, mais tu vois, c'est un truc qui j'y pense, parce que du coup j'ai récupéré un RPG que je connaissais pas et qui est, enfin, du coup ça va te surprendre parce que c'est un putain de rage kit, hein, je trouve, comme RPG, et pourtant qui est, tu vois, je me fais violence pour y arriver, c'est-à-dire que je peux passer une heure à ne pas avancer. Non, mais vas-y. Divinity oui, Original Sin, ouais. Ouais. Qui, tu vois, enfin, j'en avais entendu parler, j'avais vu, mais tu sais, j'étais pas plus voilà que, ouais, non, mais ouais, je comprends, ouais. Il a fait partie d'une promo sur le PSN. Il y avait pas d'autres jeux qui m'intéressaient. Enfin, il y en avait un qui que voilà, j'avais envie de prendre pour le fun. Puis je me dis, bah tant qu'il y en avait un d'offert, il faut que j'en prenne un autre. Il y avait un qui me parlait. Puis je vois celui-là. Puis tu sais, je vais me renseigner un petit peu sur internet. Je vais voir des vidéos. Je vois, ça a l'air sympa. Et voilà, c'est un RPG à la vue style un peu Diablo. Oui, oui. Et les combats, en fait, les combats se passent au tour par tour. Mais voilà, c'est un truc. Enfin, honnêtement, au niveau du. Honnêtement, c'est vachement bien. C'est du RPG classique. On va reprendre les. C'est un petit peu comme The Witcher. Il y a des éléments de base qui ont été pris et ça a été bien retravaillé. Et du coup, t'as un truc ultra complet avec énormément de possibilités, énormément de choix, énormément d'ouverture, de machin. Et au final, c'est super bon. Et tu vois, ça pas, enfin, honnêtement, je l'ai pas vu plus médiatisé que ça, et c'est un jeu qui aurait mérité. Oui, toi, mais justement, réfléchis bien à ça. C'est-à-dire que une entreprise comme Square, c'est pas des petites bites au niveau du jeu vidéo. Je pense que là-dessus, on est d'accord. C'est quand même des mecs qui s'y connaissent, qui savent le budget d'un FF7 remake. Pour le refaire, ça prend des années. Pour travailler dessus pendant des années, il ne va pas y avoir deux personnes qui vont travailler dessus. Et puis, point barre. Ça va être quand même une bonne grosse équipe. Donc, une équipe, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle travaille ? Il faut la payer. T'imagines, ne serait-ce un truc, mais alors tout con. C'est un travail sur 5 ans. On va dire, voilà, c'est un travail sur 5 ans. 5 ans, c'est ce qu'ils ont fait pour GTA 5, par exemple. Bon, ça va, tu vois, ça va, 5 ans, c'est pas trop... tu comptes, tu fais x12, ça fait 60 mois. Sachant que moi, j'avais vérifié... le salaire moyen, alors après ça dépend du poste dans l'entreprise, enfin du ça poste exact de l'ancienneté et tout ça, mais le poste moyen par exemple d'un animateur, juste un mec qui anime les modèles 3D et tout, hein, c'est entre 2000 et 2500 € par mois. Maintenant tu multiplies ça par 60. Et oui. t'as le prix que tu payes ta personne pour faire ton jeu, pour une personne, pour la garder 5 ans pour faire ton jeu. Donc les mecs, il faut qu'ils financent leur jeu, parce que c'est des années et des années de travail. Ils sont, je crois, si je dis pas de conneries, ils sont genre 3 studios à travailler dessus. Bon, alors, on va dire que je retire l'argument sur les épisodes. Effectivement, d'un point de vue financier, c'est peut-être une façon de combler le gouffre. Maintenant, là, tu vas me dire si ça c'est pas quelque chose qui te fait peur. Le DLC. Ah, y a pas, ils ont pas annoncé DLC, hein. Ils ont pas annoncé, mais imagine tu te retrouves avec, en plus, donc tu as des jeux épisodiques, bon, certes, mais en plus pour débloquer des personnages, ou débloquer des passages de l'histoire, ou débloquer des trucs, des machins, des trucs. Il faut balancer en plus dans des DLC. Ça, très sincèrement, j'y crois pas une seule seconde, parce que tu regardes FF13, il n'y a pas un seul DLC. Hein, pas de gros DLC, tu vois, il n'y a pas de DLC qui soit obligatoire. Ouais. C'est-à-dire qu'ils peuvent mettre des DLC, ils peuvent mettre un DLC costume pour Cloud, genre costume du soldat. Bah oui, bah écoute, tu joues à FF7... on te propose de pouvoir jouer Cloud avec un costume du soldat. Il y a des personnes qui vont faire « Ah ben ouais, carrément !» Ouais, mais si c'est du DLC comme ça, oui, à la rigueur. Enfin, mais c'est pas obligatoire. Moi, mais quand je parle du DLC, tu vois. Oui, ça va être, c'est ce qu'avait, ce qui a été montré. Je vois très bien de quoi tu veux parler. C'était cette image de, tu payes tes trois jeux 60 boules, et puis, faut mettre 40 € pour débloquer Vincent Valentine, 30 € pour débloquer Yuri, 40 € pour aller à la fin, et battre Sephiroth et tout. Je l'ai vu, cette image. Mais ils n'ont pas annoncé de DLC comme ça, et il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. Et au contraire, moi je dis qu'il y a même plus de raisons d'être heureux, parce que les mecs ont quand même annoncé que, là je vais parler pour les connaisseurs, hein, Midgar, si vous vous souvenez de Midgar, de comment c'était fait dans l'original, à part ce qu'on voyait dans l'histoire, vraiment ce qu'on avait besoin de voir, on ne voyait rien d'autre de la ville. C'est-à-dire ils ont annoncé que là, toute la ville serait modélisée. Et non, ils ont annoncé que les secteurs dans lesquels on passe, une grosse partie sera modélisée. Et que en plus, ils allaient probablement... Alors ça n'a pas été confirmé. Ça n'a pas été confirmé, mais ils ont quand même largement sous-entendu qu'on pourrait aller carrément jouer sur la plaque supérieure. Donc, ce qui, en plus d'être d'une très honnêtement pété de classe. Je suis désolé, hein, c'est pété de classe. En plus d'être pété de classe, ça peut ramener des heures et des heures et des heures de jeu supplémentaires. Parce qu'ils peuvent dire, voilà, vous imaginez, vous êtes effectivement dans Midgar. Vous voyez, le secteur là, c'est le secteur 5. Quand vous y êtes passé la première fois, vous y êtes passé quoi, 5 minutes. Parce que vous n'aviez pas besoin d'y être. Maintenant, vous allez pouvoir y aller. Et vous aviez jamais vu ce personnage-là, il a une quête super importante à vous donner. Et lui, là-bas, il a perdu son fils, il aurait besoin que vous le retrouviez. Et des, tu vois, des trucs comme ça, ils peuvent faire un truc à la Skyrim, quasiment, avec des quêtes annexes qui sont juste énormes. Ou alors, carrément, aller jusqu'à... jusqu'à enfin, c'est quasiment ce qui a été sous-entendu. Enfin, t'imagines faire un jeu complet. Tu achètes ton épisode de FF7, qui est un épisode, genre par exemple, hein, je sais pas, ça va être, tu vas le payer, bon allez, on va dire 40 euros, parce qu'il faut quand même qu'il fasse de l'argent, etc. C'est quand même assez, assez important, mais tu le payes 40 euros, tu vas avoir, pour le terminer complètement, tu vas en avoir pour 50 heures de jeu. Je dis ça comme ça. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeux, encore maintenant, des triple A, hein? Soyons d'accord, on parle de jeu triple A, pas de jeu indé comme Divinity, parce que Divinity est un jeu quasi indé. Oui, des jeux... parce que c'est un studio belge qui l'a... Voilà, un triple A où tu peux encore avoir 50 heures de jeu. T'en connais beaucoup ? C'est léger. Voilà. Donc moi j'ai envie de dire si on doit attendre, parce que là pour le moment c'est annoncé en 2016, FF7 Remake. Personnellement, moi, s'ils me le sortent en 2017 sous un format épisodique avec, comment, avec 50 heures de jeu par, par partie, et que c'est magnifique et qu'ils n'ont rien enlevé, parce que ce qu'ils ont bien expliqué, c'est que s'ils faisaient pas le, s'ils le faisaient pas en, comment, en épisodique, ils étaient obligés d'enlever des grosses parties du jeu pour d'une que ça rentre dans un ou deux, peut-être 3 disques, mais qu'en plus ça mette pas trop de temps à se faire. Et quand tu vois, puisqu'on parlait du temps, on va parler d'un truc qui moi me fait beaucoup rire, mais qui est flippant, c'est Antoine Daniel. T'as vu, oui, déjà à quel point les gens sont chiants quand Antoine Daniel, hein, Antoine Daniel, c'est pas, pas Michael Bay, pas, heureusement que c'est pas Michael Bay, hein, pas, parce que... pas Steven, non mais c'est pas Michael Bay, c'est pas Steven Spielberg, c'est pas un mec qui est connu dans le monde entier, tu vois. C'est pas quoi, voilà. Rien que quand ce mec met 3 mois à sortir un épisode de son émission YouTube, le bordel que c'est. Donc t'imagines, pour une société comme Square Enix, si les mecs disaient, attendez, alors, on vous fait FF7 Remake, mais on le sort dans 10 ans parce que bah, il faut le temps de le faire. Tu penses que les gens vont réagir comment à ça ? Oh, bah, y a toujours une majorité qui va gueuler, hein, parce que c'est trop long. Voilà, c'est ça. Les gens veulent tout, tout de suite. Et c'est ce qu'a compris Square. Et au lieu de dire, bah attendez, on va vous le sortir complètement, on va vous le sortir comme ça, mais alors, on vous le sort dans un an, mais alors il est buggé. Il manquera 90% de l'histoire et ce sera un couloir comme FF13. Les mecs se sont dit, bon, on va être quand même plus malin. On va le sortir en format épisodique pour garder toute l'histoire et rajouter des choses dedans. Et comme ça, en plus, nous, ça nous permet de garder le développement long et de le... et de, comment, de financer et de pas perdre d'argent dessus. Donc, tu disais sur le format épisodique, je me souviens plus. Donc, on va passer aux sorties de l'année 2016. Non, oui, effectivement, oui, là, c'est bien argumenté. Là, j'aime. Non, mais voilà, c'est ça. C'est ça, et moi, c'est le truc. C'est que effectivement les gens pensent, parce que tout le monde dit, on va payer 60 euros pour jouer 5 heures. Bah déjà d'une, non, parce que tu sais pas quel prix tu vas le payer ton... tu sais pas quel prix tu vas, la paye... tu vas le payer ta partie de FF7. Ça peut être 50 euros. À FF, où tu mets 5 heures à finir, même si c'est un épisode, ça m'étonnerait, quoi. Voilà, c'est ça. Même putain, en speedrun, quoi, les gars. Même en speedrun, tu mets pas 5 heures à finir un FF. Faut être honnête. Mais non, enfin, c'est un truc qui est tellement énorme. FF7 Remake, ils ont pas le droit de se planter dessus. Ils ont pas le droit. Et moi, ce qui m'a fait rire, c'est que Square a annoncé le format épisodique directement, tout le monde a gueulé. Et pourtant, parce que le format épisodique, c'est vrai qu'on le relie à d'autres jeux et on gueule, quoi. Bah ouais, mais pourtant, quand ils ont annoncé, là, c'était quoi ? Il y a eu le Minecraft Story Mode. Et Telltale a annoncé une série de jeux, je crois que c'est Batman. Et alors, les deux annonces se sont suivies de très près en plus. C'est ce qui m'a fait rire. Je crois que c'est les Telltale Batman. Il me semble, si on dit pas de conneries, c'est ça. Revérifier, mais. C'est ça. Quand Telltale a annoncé son nouveau jeu, tout le monde était là. Ah oui, je veux. Et quelques jours plus tard, Square annonce. C'est bien Batman. Hein. Square annonce qu'ils vont faire la même chose pour FF7. Et là, les gens, non, le format épisodique, c'est de la merde. Les gars, faut savoir. Je pense qu'ils sont prononcés comme ça parce que c'est. Peut-être qu'ils voyaient pas. C'est vrai que tu veux. Enfin, les jeux tels sont faits pour être épisodiques. Enfin, c'est comme c'est tourné vraiment comme une espèce de mini-film, mini-série. Ils sont faits pour être épisodiques parce que quand ils ont commencé, ils n'avaient pas le financement pour faire un jeu complet. Donc, ils ont développé l'épisode 1. Oui, puis ils ont bien. Ils l'ont vendu. Et ils ont gagné de l'argent, et donc du coup, ils ont pu faire l'épisode 2 qu'ils ont vendu, ils ont gagné de l'argent pour faire l'épisode 3 qu'ils ont vendu pour. Tu vois ? Ouais, mais c'est bien, c'est parce qu'ils. Voilà, c'est ce que fait Square. Oui, mais après, on serait pas sur la même gamme de prix, c'est-à-dire que t'aurais pas. Mettons qu'ils sortent 4 épisodes, ça sera pas à 9,90, enfin 10 euros l'épisode. Juste un petit check, les Telltale, c'est 20 euros l'épisode, hein. Ah bah je dois regarder que quand c'est en promotion alors. Tu payes 20 euros ton épisode, hein. Je vais allumer Steam. Il me semble, alors c'est 15 ou 20 euros, hein. Le Minecraft Story Mode était vendu 20 euros l'épisode. Ah oui, par contre, et bah, c'est cher. Tout le monde s'était mis d'accord sur le fait que c'était de la grosse daube. Le truc Minecraft, tout le monde s'est mis d'accord, même les fans de Minecraft se sont dit c'est de la merde. Ah oui, non, mais là c'était. Oui, enfin, même moi, quand j'ai eu l'annonce, j'ai fait, je vois pas l'intérêt, quoi. Tant les autres ont vraiment un sens et c'est vraiment bien, mais là, un truc. Enfin. Bah, en fait, c'était. Ils ont voulu faire une histoire à Minecraft. Le problème, c'est que ça marche pas. Bah, on va dire que la volonté était bonne, mais. Il fallait que ça reste une volonté, voilà, quoi. Ça marche juste pas. Je vais aller voir rapidement les Game of Thrones, hein. On va aller voir les Game of Thrones. Puisqu'il y a eu quoi qui est sorti de Telltale ? Il y a eu les Game of Thrones, il y a eu les Borderlands. Borderlands, Game of Thrones, The Wolf Among Us et les deux saisons de Walking Dead. Voilà, Tales from the Borderlands, il est à 22 euros. Hein. L'épisode ? Alors, le truc, c'est qu'en fait, il baisse les prix après quand c'est fini. Oui. Donc là, si tu veux, il est à 23 euros parce qu'il est fini. Mais il y a eu quoi ? Il y a eu 4-5 épisodes, je crois, de Tales from the Borderlands. Quand chaque épisode sortait, tu le payais pas 5 euros l'épisode. Hein. C'est vrai, non. C'est vrai que j'ai 9,90, que c'est vrai que quand je regarde, c'est tout le temps quand c'est en promo. Donc, je suis une grosse rapace, hein, sur les jeux. Donc, après, c'est vrai que moi, j'ai tous les épisodes en fait de tout sauf bah, du coup Minecraft. Parce qu'il y avait une grosse promo, c'était 70 balles toutes les séries. Ouais, alors que là sur Steam, tu le trouves à, je l'ai vu, hein, toutes les séries, je l'ai là juste sous les yeux, 160 balles. Hein. Et moi, c'était sur une promo, bah, c'était pendant les vacances de Noël, c'était une promo qu'ils avaient balancée, j'avais eu tous les épisodes à 70 balles. Enfin, toutes les saisons, en fait, tous les trucs à 70 balles. Voilà, et tu vois, moi déjà, ça me fait chier de mettre 70 balles là-dedans. Parce que, enfin, faut être honnête, moi je regarde la Telltale's Game Collection. Le retour vers le futur est mauvais. Mais par contre, j'ai eu de la chance, je l'ai acheté, il n'y avait pas encore le retour vers le futur. Moi. Il est mauvais, le retour vers le futur. Le retour vers le futur est sorti il y a très longtemps. Hein. Il est sorti il y a bien 5 ans. Non, moi, je pense que tu t'es fait enculer, hein. Les trucs bonnes, je ne connais pas. Game of Thrones, apparemment, c'est très bien. Je sais pas. Moi, j'aime bien la série, mais voilà. Hector, ça ne me dit rien. Jurassic Park, apparemment, n'est pas Ah oui, vraiment donc là, génial. c'est encore un autre truc encore. Ah oui, c'est vraiment l'intégrale de Telltale. Il y a tous leurs jeux, les trucs de poker, les Sam & Max, Tales of Monkey Island, Ah les oui, alors que Walking moi, non, Dead et moi, les trucs comme ça. Hein. c'était Telltale, mais c'était les trucs plus récents. Voilà, les gros trucs, quoi. Voilà, Les c'est ça. grosses licences. Alors que là, vraiment, c'est 160 euros pour tout. Tous les jeux Telltale qui sont sortis jusque-là. Oui, parce que je pense qu'il y en a qui sont pas sur console, du coup, donc c'est peut-être un pack différent. Je pense aussi. Parce qu'à mon avis, il y a peut-être du contenu qui est exclusif PC, donc du coup, ils peuvent faire un truc plus massif sur PC. Voilà, et donc sur ce, vu qu'on a pris une demi-heure pour parler de FF7 alors qu'on devait parler des sorties de 2016, Oui. on va faire une petite pause musique et en fait, on va peut-être finir par parler justement juste de FF7 parce que ce sera plus facile. Oui, et peut-être que du coup, on va tenter pour l'épisode prochain de parler des sorties. Voilà, donc on vous fait des bisous, on se retrouve tout de suite. Et on est de retour, et non pas pour vous jouer de mauvais tours, mais continuer à parler comme nous parlons, de Ouais. façon parlementaire. Ouais, exactement. Ouais. Ouais, on va parler, ouais. On va dire des choses cochonnes, des choses sales. Nous allons FF7. parler, n'est-ce pas? Vous parlez, n'est-ce pas? En compagnie de Jeanne, n'est-ce pas? Jeanne, au secours, Jeanne! Il y avait un truc comme ça que j'avais vu sur Twitter. C'était genre la grosse dame qui faisait mot de passe, s'il vous plaît! Puis en dessous, c'était marqué au secours, Jeanne! C'était tellement génial! Ça doit être magique. C'est le truc qui s'ouvre. Allez-y. Ah mais c'est exactement ça quoi. J'imagine trop ça moi dans Harry Potter. Limite faire un montage à la con. Mais tu pourrais tellement prendre des phrases ou des séquences de Le Pen et les foutre dans le film. Oh mon dieu, ce serait sais, quand splendide. ils sont pris dans les filets du diable dans le 1. Ne Ouais. paniquez pas! Rad, au secours! Je crois qu'il y a un moment justement où en français c'est Ron qui dit Hermione au secours. Suffirait juste de mettre Jeanne à la place. On met Jeanne au secours! Je crois qu'il fait qu'il est mort en fait. Là il est en train de s'étouffer. Tu peux t'as tellement de passages dans le film. Pareil, tu prends le 4 quand il dit qu'il est de retour. T'imagines, il est de retour, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un est assez doué et a le temps pour faire ce montage, On l'invite cordialement à le hein, faire. bah, surtout je me tourne vers Babal parce que Babal a fait un Vine. Babal a fait un Vine la dernière fois, je pleurais de rire. C'est en fait il m'a balancé l'idée, je lui ai fait vas-y fais-le parce que c'est beaucoup trop beau. C'est en fait il était en train d'écouter du Slipknot. Et il écoutait la chanson Custer. Pour ceux qui connaissent pas Custer, je peux pas vous la faire écouter là tout de suite. Ça va être un peu difficile, mais c'est en fait le riff, c'est ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Et en fait, ce con, ça me fait penser à Wataken de Antoine Daniel. Il fait Wataken, Wataken, Wataken, Ken, Ken, Wataken, Wataken, Wataken, Ken, Ken. Et alors, le truc à savoir, c'est que c'est pas volontaire parce que l'album de Slipknot et donc la chanson n'était pas sorti quand Antoine Daniel a sorti Mon cet Dieu, épisode. c'est-à-dire que Slipknot a plagié Antoine Daniel? Et donc, en fait, Babal a fait un montage où il met le Wataken et après il met le début de Caster. Mais c'est le même rythme, hein. C'est le même rythme. Donc, ce qui fait qu'en fait, maintenant, quand j'écoute Slipknot et que je tombe sur cette chanson. Je suis lâché. Wataken, Wataken, Wataken, Ken, Ken, Wataken, Wataken, Wataken. Faudra que tu m'envoies le Vine, que je le vois. Ah ouais, faut que je te l'envoie. Faut que je te l'envoie. C'est splendide. C'est tellement beau. C'est tellement beau. C'est d'une beauté, mais alors baroque. Vous imaginez même pas, quoi. Eh ben, on espère que Kebabel va entendre notre message et nous faire une tonne de montage, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous puissions jouer au jeu du FN, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, le jeu du FN qui a l'air très très bien. Moi, je l'ai pas encore testé. Alors, est-ce qu'il sort en 2016? Oui. Je crois qu'il n'y a pas de date de sortie, hein. Je suis pas sûr. Oui. D'ailleurs, c'est... Attends que je te dise pas de conneries. Je vais te dire qui c'est qui l'édite. C'est FN Production. Putain, le mec, il est vraiment en train de taper jeu du FN sur Google, je crois. En fait, je voulais le faire, mais Firefox fait une mise à jour, donc du coup, je suis pas désolé. Je crois que Firefox a commencé à jouer avant moi. J'en peux plus de ce mec. Non, mais je suis sûr que je peux trouver le jeu du FN, hein, bien sûr. Ah, mais il doit y en avoir. Je suppose qu'il y a des jeux internet. Jeu du FN, il y aura aussi. Ils ont annoncé comment ça s'appelle? Des épisodes supplémentaires. Oui, voilà. Sous forme de boîte, il y aura donc le jeu du FN et il y aura la première extension qui sera le Penis Back. Cet homme est fatigant. Alors en fait le truc, ah si je l'ai, si c'est bon je l'ai. Voilà, j'ai eu peur, je trouvais pas le Vine, mais en fait si il est là. Je te l'envoie tout de suite sur notre logiciel qu'on utilise pour faire l'enregistrement. Tu le regarderas tout à l'heure, hein, bien entendu. Y a pas de problème. Bah merde, je trouve plus le jeu du FN. Le mec est vraiment en train de taper jeu du FN sur Google, quoi. Oh mon dieu. Ah, je l'ai trouvé. Oh non. Ce sera Serious Poulp qui va l'éditer. Serious Poulp. Non, c'est une grosse connerie, hein, je déconne. Mais je vais quand même regarder s'il y a un jeu du FN qui va sortir. Ça peut faire partie des grosses sorties de 2016, on parlait de sorties de jeux vidéo tout à l'heure. Et du coup, voilà, vous avez le sujet du prochain Yolo Records. Qui sera le jeu du FN, on va le tester pour vous. Oh putain. Avec bien sûr un point synopsis gameplay. La totale. Voilà, le point histoire, le point gameplay... le point dans ta gueule, parce que c'est le FN. Le point Godwin aussi. C'est très difficile, les gars, d'enregistrer dans ces conditions, vous imaginez pas en fait. Et aussi le point de suspension, mais là c'est plus subtil, hein. Ça dépend si ton passeport est français ou pas. Oh putain. Et tes bonnes résolutions, connard. Ah, j'ai pas utilisé des termes ethniques. Oui, c'est vrai. C'est vrai, en fait, c'est ça le pire, je crois. Je crois que ça fait un humour encore plus sale, en fait. C'est encore pire. C'est immonde. Non, mais du coup, on parlait et on s'est dit, hein, pendant qu'on était en train d'enregistrer la première partie, enfin, entre les deux parties, en fait... On s'est dit qu'on allait continuer à parler du remake de FF7 parce que vu qu'on a fait 3 quarts d'heure dessus déjà. On s'est dit on va pas relancer une nouvelle émission pour la deuxième partie. Ça sert à rien. Puis vous risquez de pas comprendre. Et FF7, puis d'un coup on parle, je sais pas moi, de Trafulfaga, un jeu qui sort au Pérou, vous allez pas comprendre. Voilà, hein, donc effectivement Trafulfaga qui sort en mars 2016, édité par le Pulp Records aussi. Pulp Records. C'est un jeu indé qui a été lancé en Kickstarter avant 2012, puis après 2012, il n'y avait plus de fonds. C'est comme le sac, il n'y avait plus de fonds. Après le sac sans fond, le jeu sans fond. Non, c'est intéressant. C'est ça, tu ouvres la boîte, tu fais bah merde, ils sont les pions. Il est où le fond, putain? Il est enculé. C'était une imitation d'un mec qui a pas compris que la boîte était vide. Donc, c'est. Excusez-nous, hein, c'est la reprise pour nous, donc c'est dur. On est à même pas 5 jours de Noël. On n'a rien pu encore. On travaille tous les deux. Moi, je finis. Je vous jure que je finis le 24 à midi ma formation. C'est-à-dire que le jour de Noël, je serai encore en train de taffer, quoi. Mais, comme beaucoup de personnes. Donc, imaginez la fatigue dans nos corps. Il y a de fortes chances que nous, le 24 au soir, on s'endorme sur les cadeaux avant même de le faire. T'es ça, content? Dire oui. C'est ça. Bon, on pense faire le Noël courant mars. On y arrivera un jour. Au pire, on décale, on fera Noël l'année prochaine. C'est ça. Tu peux ça après. On posera des vacances, on s'en fout. La nouvelle année, on s'en fout, on fait ça en 2017. De toute façon, il reste combien de temps à vivre? C'est bon, j'ai le temps de décaler. Je prendrai un rendez-vous, je m'en bats les steaks. Si vous saviez à quel point j'en peux plus de ce mec. Sans craindre, le Père Noël il est immortel. Pour me faire chier pour quelques années. C'est ça. Il va me ramener tous mes cadeaux d'un coup d'un seul. Culé va boucher ma cheminée. Il va rester coincé des années. Fait te réveiller le 24 à minuit. Au secours! Au secours, Jeanne! Oh putain, le Père Noël est bloqué! Encore une cheminée fabriquée par des métèques, n'est-ce pas? Non! Non, mais non! Non! Non, non, là, je peux pas, là. Putain. On reste dans la métaphore, hein. On reste dans la métaphore, exactement, ouais. Les Métèques, c'est ceux qui ont suivi les Aztèques. C'est notre civilisation. C'est l'évolution. C'est pas du racisme, c'était du darwinisme. J'ai mal. J'ai mal au ventre, j'en peux plus, les gars. Ah bon? Allez, oh putain, moi j'ai mal à la tête. Ouh! Il n'y a pas un moment de ta vie où tu t'arrêtes. Ah, c'est bon. Pas rien à dire. Hein. Voilà. Oui, bah si, justement, le problème c'est qu'il reste plein de choses à dire. Oui, on va pas tout dire. Ah non, on dit pas tout. Pas tout dire, voyons. Faut que je respire surtout en fait. C'est ça le truc, c'est que là tout de suite il faut respirer. Prends une grande inspiration. Et on relâche. Ce mec est fatigant. Donc oui, FF7, FF7, comme on en parlait en fait. Tout ça on en parlait, hein, nous hors antenne. On s'est dit que ce serait cool de le dire à l'antenne, surtout qu'on avait plus grand chose à dire. Du coup, on s'est dit quand il n'y a plus rien à dire, et ben il n'y a plus rien à dire, on va faire genre, on sait. Non, parce qu'on a parlé. Peut-être qu'il y en a qui nous rejoignent. On va faire comme à la télé. Si vous nous rejoignez en cours d'émission. Si vous nous rejoignez en cours d'émission, nous sommes Venom Epoch, hein, pour YOLO Records. Et il n'est pas trop tard, vous pouvez encore partir. Non, mais on parlait de FF7 et on a parlé donc du le sujet était lancé par rapport au format épisodique qui avait été annoncé. Ensuite, on a parlé des nouvelles choses, de tout ce qui était peut-être l'intérêt économique pour pouvoir financer, pour pouvoir pondre quelque chose de convenable et de pas d'éviter de tomber dans cette dans le travers du bug et du patch. Et de pouvoir finir un produit sans que ça prenne non plus 15 ans. Bah, de toute façon, il y aura des bugs et des patchs. Oui, mais sans que ça soit. Sans dépasser les 15. Quoi. On non, mais sans, 14 patchs. Ce ne sera pas, ce sera pas un, comment, un jeu de Ubisoft, quoi, c'est ça que je veux dire. C'est forcément, oui, non, c'est, comme tout jeu, il y a des patchs. Il y aura des patchs, mais il n'y aura peut-être pas un patch par semaine, c'est ça le truc. Quoi. Voilà, c'est ça. C'est, on va pas rentrer dans la logique Ubisoft. Parce c'est que, de finir le jeu une fois qu'il est sorti. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence le jeu, et puis il sort, et après on le finit. C'est, voilà, day one, un patch de, qui fait deux fois la taille du jeu, quoi. Et là, tu fais, non, les gars, faut peut-être pas abuser. Bon, là, les gars, on est day one, donc maintenant, on peut lâcher le patch pour que les gens puissent jouer, parce que sinon, ils ont pas le jeu, donc. Non, mais c'est ça, c'est sinon, ça marche pas. Ça marche pas. Pour savoir si un jeu Ubisoft fonctionne, c'est simple. Si à l'arrière de la boîte, c'est marqué que ça prend 500 émo d'installation, c'est que vous n'avez pas le jeu. Vous avez l'installateur du jeu, en fait. C'est juste ça. Vous avez juste droit à l'image de présentation et au menu, c'est tout. Voilà. Je vais te laisser, Puck, toi... récapituler un peu ce qu'on a dit jusque là parce qu'il faut que je m'absente 3 secondes en fait pour aller chercher le chargeur de ma 3DS. Je reviens, à tout de suite. Et donc, comme disait Roosevelt à son époque, des choses très très très pertinentes. Si ce ne fut le plus grand président des États-Unis, ce fut bien sûr un grand homme de notre histoire. Et Roosevelt disait souvent: où est le chien? Où est le chien? Qui pouvait se comprendre de deux manières différentes? Première chose, Roosevelt, vieillissant, devenant aveugle, ne trouvait plus son chien. Le chien, vieillissant et devenant aveugle, sourd et muet, eh bien forcément, il ne pouvait pas répondre aux appels de son maître, il ne pouvait pas trouver son maître, et donc il ne pouvait pas aboyer afin de se situer dans la pièce. Deuxième lecture possible, et c'est la plus intéressante, puisque finalement, c'est un message que Roosevelt a essayé de nous lancer sur son lit de mort. Où est le chien? Où est le chien? Où est cet esprit capitaliste ouvert? Où est cet esprit capitaliste capable de communiquer, de se lier et de partager avec une franchise communiste très ouverte, trop ouverte et peut-être manquant de limites? Voilà ce qu'est le chien. D'ailleurs, on notera que communiste, capitaliste et chien, ça commence par la même lettre, ça commence par un C. Simple coïncidence, je ne pense pas. Et j'ai envie de dire coïncidence commence par la même lettre. Donc, deuxième coïncidence, je ne pense pas. Ah, j'ai tout récapitulé. Oui, mais non, mais tu sais que j'ai tout entendu en réalité. Oh merde. Voilà, c'est-à-dire que je suis là depuis un moment. Ah, c'était quand même intéressant comme meublage. Voilà, je t'avais demandé hein, de récapituler ce qu'on avait dit par rapport à... Récapituler, ça va vite. On a parlé de l'épisodique, de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal. Ensuite, de qui avait l'intérêt peut-être économique de façon à pouvoir quelque chose de complet, de pouvoir répondre aux volontés de Square Enix qui était d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter du plus, de pouvoir peut-être changer des choses dans l'histoire. Et donc voilà, et on a parlé des différents types de personnes, et peut-être des gens qui ont peut-être trop vite craché sur le jeu à l'annonce du côté épisodique. Et après, moi, je me souviens de ce qu'on a parlé pendant l'intermède. Et voilà, et justement, c'est là que je voulais en revenir. Hein. Hop, je vais balancer un coup de coupe. Allez, Brasé Gali. Oui, je joue à Pokémon en enregistrant l'émission. Hein. J'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre. On est toujours en train de travailler, toujours. Voilà, hein, on est des gens, nous sommes extrêmement sérieux. Toujours, c'est-à-dire que là, il ne joue pas à Pokémon pour jouer à Pokémon, il joue à Pokémon pour pouvoir préparer une émission éventuelle. En réalité, oui aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a une émission sur Pokémon qui viendra. Je ne sais pas si on m'entend bien, en fait, de là où je suis. Ça va, moi je t'entends. Je pense que les gens doivent t'entendre aussi. Si tu m'entends, de la même façon que les gens, je vais quand même me rapprocher un petit peu. Mais effectivement, hein, spoiler alert, tu auras un épisode sur Pokémon. On vous dit pas quand, bien entendu. Mais c'est pas drôle. Puis de toute façon, on sait pas quand est-ce qu'on le fera. Donc, Et parce qu'on sait pas quand est-ce qu'on le fera. Parce que pour le faire, pour faire cet épisode sur Pokémon, il faudra que je finisse déjà en fait tous les jeux Pokémon. Ce qui pour moi est loin, hein, puisque je viens de commencer Rosa, que j'ai pas encore fait XY, que j'ai pas encore fait. En fait, voilà, entre Emerald et Rosa, je n'ai pas fait. Mais vraiment pas, hein, c'est pas une blague. Je n'ai pas joué à Pokémon entre Pokémon Emerald et Pokémon Après, Ruby. Sachant, Rosa, Saphir, sachant qu'un Pokémon ressemble généralement à un autre Pokémon, je dis bien généralement, parce qu'il y a des nuances, bien sûr. Oui, mais tu vois, je préfère. Tous les faire avant de parce que ce qui est bien c'est que jusqu'à enfin j'aurais pu tous les faire comme ça le problème étant qu'il n'y a pas d'émulateur de 3DS donc je n'aurais pas pu jouer à XY et Ruby Omega Saphir Alpha pour les faire d'ailleurs hein, on vous le rappelle hein, mais sur la chaîne YouTube hein, qui sera sur la chaîne YouTube des survivants, qui sera donc encore une fois dans la description du podcast sur Mixcloud. Eh bien, il y aura le voilà le lien, il y a le lien de la chaîne hein, dans la description, blablabla. Mais dans le sur la chaîne YouTube, il y a les playthroughs de enfin les let's play, on va appeler ça comme ça, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ça fait plus français. On avait plus français, let's play. Non mais voilà, il y a Pokémon jaune, jaune cristal et émeraude déjà. Donc voilà, peut-être quand on en arrivera au dernier jeu sorti sur DS, donc noir et blanc 2. Ah, il ne réagit pas. Il ne réagit pas. Si, j'ai étouffé un rire. Ouais, c'est bien ce que j'avais entendu. Parce que j'ai cru qu'il a donné une recette de gâteau au chocolat, c'est pour ça. Oh putain. Cet homme est fatigant. Cet homme est extrêmement fatigant. Je suis pas fatigant, j'ai un potentiel créatif limité. Non, tu es fatigant. Non mais voilà, quand vous verrez Pokémon Noir 2 et Blanc 2 arriver sur la chaîne YouTube... Allez faire un tour sur le Mixcloud parce que à ce moment-là risque d'y avoir une émission ou plusieurs sur Pokémon. Voire même venez faire un tour directement sur le site de la radio. Ah bah oui, bah bien entendu. Bien entendu, vous venez puis sur allez. Le site de la radio. Puis après vous réécoutez avec vos potes sur Mixcloud. Voilà, c'est ça, c'est vous réécoutez, vous foutez de nos gueules, tout ça quoi, c'est splendide. Bref, ce qu'on disait pendant la pause. C'est que bah effectivement il y a pas mal de choses qui sont prévues et moi je parlais d'un truc à Puck qui je pense vous a tous marqué parce que oui du coup on va continuer sur FF7 Remake je pense que depuis les 20 minutes qu'on a recommencé à enregistrer vous l'avez compris on n'allait pas parler du Front National bien sûr qu'on n'allait pas parler du Front National on aurait pu hein. Le Front National c'est en fait tu vois c'est le front de la France. C'est soit le Nord-Pas-de-Calais. Voilà ou, à peu près. Si tu te tournes un peu, la région PACA. Voilà. Voilà, ça dépend après, est-ce qu'elle a un front pointu ou. Ça dépend de la morphologie. Voilà, ça dépend de comment tu veux le voir. Mais non, mais effectivement, nous, ce que je disais à Puck, c'est que. Ils ont bien dit qu'ils allaient modifier des points du scénario. Et. Moi, j'attends ce moment. Je pense qu'en fait, quand le FF7 remake va sortir, sans rigoler, je vais regarder des gens y jouer, des gens qui soient connus ou pas. Je vais regarder peut-être 2-3 streams en même temps, juste pour regarder les réactions des gens par rapport à certains points de l'histoire. Et moi, celui que j'attends le plus, c'est la mort d'Aerys, parce que Aerys est censé mourir. Ça, c'est un truc qui était prévu depuis le début. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu, et que quand c'est vrai que quand on a un jeu entre les mains, on a ce qu'on a, mais pas ce qui était prévu. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on dit toujours, entre volonté et création, il y a toujours un voilà, gouffre. Il y a toujours un gouffre. Et c'est vrai que Aerys était censé mourir au milieu, je crois, du CD2. C'est ce que tu m'as dit. FF7. Ouais. En fait, elle était censée mourir dans ou après le glacier. On ne sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est que dans le glacier, on a retrouvé des morceaux de dialogue d'Aerys. Donc du coup, on sait qu'elle était encore censée être vivante à ce moment-là. Mais après, eh ben, on n'en a pas retrouvé d'autres. Donc, c'est que entre le glacier et ce qu'il y a après, elle est censée mourir. À quel moment? On ne sait pas. Comment? On se doute. C'est. Bah non, justement. Parce que la façon dont ça arrive à la base, c'est que Cloud est possédé par. Comment il s'appelle par. Ah, l'autre fils de chien, là. Sephiroth. Sephiroth, voilà. Sephiroth, oui, pareil, Sephiroth, c'est un nom de merde. Sephiroth, Sephiroté. c'est ça. Voilà, c'était la blague. Je vous emmerde. Voilà, merci donc, Gérard. Il est possédé par. Non, c'est bon, Gérard. En fait, les niveaux sont bons, Gérard. En fait, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que pour configurer les micros, pour voir si le logiciel que j'utilise pour enregistrer enregistre bien, je demande à Puck de parler. Donc, il parle. Et je fais OK, maintenant c'est à moi. Donc, je fais blablabla. Et je me rapproche en fait comme ça pour voir si c'est vraiment mon son qu'on entend ou si c'est pas un autre son. Et donc du coup voilà, ça a fait marrer Puck. C'est comme ça que Gérard a vu le jour. Et c'est comme ça que Gérard a vu le jour. Voilà, c'est énorme et c'est Puck. Créateur de personnages depuis 1993. Voilà. Et donc il est contrôlé par Sephiroth et il va pour tuer Aerys et au dernier moment, lui-même se dit « Non, je peux pas le faire, c'est pas possible. » Et il lâche son arme, il est genre pas très bien. Et Sephiroth tombe du ciel. Et pff, c'est à peu près le bruit que ça fait. Tel un caca sous la semelle, ça fait pff. Après, on pourrait parler... On pourrait parler du truc qui met mal à l'aise tout le monde, c'est que en fait, c'est pas Sephiroth ou la personne qui était censée être Sephiroth, mais je vais pas spoiler Puck, puisque lui n'a pas fait FF7 en réalité. Il faut le savoir. Oui. C'est pas Sephiroth ou la personne que c'est censé être qui. Qui tue Aerys, mais bien Cloud. Voilà, il y a une théorie en fait qui prend en prenant l'angle selon lequel est frappé Aerys et ce qui se passe et ce qui montre En fait, ce serait Cloud qui l'aurait tué. Je vous explique très rapidement, mais selon la vidéo qui a été prise. Alors, ce qui est très marrant, et je vous arrête immédiatement, ce qui est bien dans cette vidéo, ce que moi j'aime, c'est qu'il compare l'anatomie réelle avec l'anatomie d'un personnage de jeu vidéo. Donc, ce qui est dit dedans est présenté par rapport à l'anatomie réelle d'une personne et non pas l'anatomie réelle de Aerys, puisqu'on ne sait pas quelle est l'anatomie réelle de Aerys, puisqu'on ne la voit pas. Mais on aimerait bien. Enfin, vous pouvez voir son anatomie complète sur doujin.com. Oh non, putain. J'en ai marre de ce mec. Toujours parler de nos partenaires. Toujours. J'en ai marre de ce mec. Et en gros, ce qu'expliquait Matt Pat de Game Theory, c'est que quand Sephiroth plante Aeris, en fait, il ne fait que sectionner sa colonne vertébrale. Et en fait, elle n'était pas morte, elle était juste paralysée, quoi. Incapable de bouger. Et comme elle pouvait plus bouger, Cloud la prend, et la pose sur l'eau, et quand il la lâche, elle tombe. Le truc, c'est qu'en plus, il disait qu'un corps mort, c'est pas censé couler. Dans la vie réelle, mais dans un jeu vidéo. Dans la vie réelle, voilà. Mais c'est ça le truc, c'est que c'est comparé par rapport à la vie réelle. Et qu'en fait, selon les preuves qu'on a avec la façon dont l'épée tape et le fait qu'elle coule, et ben en fait, ça voudrait dire que quand Cloud l'a lâchée dans l'eau, elle était encore vivante. Et qu'elle est morte noyée par la faute de Cloud. Qui n'avait pas son brevet de secouriste, le con. Qui n'avait pas son brevet de... en même temps, tu vois la personne que t'as failli tuer qui se fait transpercer par une épée et qui arrête de bouger. C'est vrai que le premier truc à faire, c'est de la noyer. Bah, en fait, c'est, il se dit, bon, bah, elle est morte. Il n'y avait pas d'hôpital, hein, à l'époque. Tu vois. C'était un monde où les médecins et les hôpitaux n'existaient pas. Tu vas pas me dire qu'il n'y en avait pas un qui avait un petit sort de soin en préparation, une petite potion. Bah, après, ça, c'est toujours le truc de, ouais, mais il aurait pu la soigner avec machin et machin. Et... Mais, de toute façon, c'est un jeu vidéo. Enfin, dans un jeu vidéo, techniquement, même, tu vois, par exemple, ce que moi j'aime bien dans Pokémon, c'est que dans Pokémon, c'est expliquer le fait que tu passes au centre Pokémon et en fait tes Pokémon y reviennent. Pourquoi? Parce que ils étaient pas morts en fait, ils étaient juste KO. Oui. Tu vois, mais si vraiment à un moment tu tues un Pokémon, tu peux pas le ramener parce qu'il est mort. Et voilà, enfin, il y a plein de trucs comme ça. C'est vrai que. On vient peut-être de mettre le doigt sur un truc fondamental. Tu me diras ce que tu en penses, mais il y a quand même, je me rends compte qu'il y a quand même une certaine illogique flagrante que personne n'a relevé, c'est que dans certains jeux où des personnages ont des capacités de soins ou des potions, des trucs comme ça, des fois tu as une séquence de jeu où donc tu as SMET qui se lance et en fait tu as un personnage qui est gravement blessé et le laisse mourir. Ah oui! Ah mais de toute façon c'est comme ça partout, je veux dire, moi je pense à un truc, ils en avaient parlé avec les développeurs et ça avait foutu les développeurs très très mal à l'aise, c'était un speedrun de Borderlands 2. Et dans Borderlands 2, je sais pas si tu y as joué. J'ai avancé mais j'ai pas fini. C'est un jeu de toute façon qui sera fait sur Twitch aussi et donc sur YouTube et bref. Dans Borderlands 2... On trouve une... comment ça s'appelle ? Une sirène, comme Lilith. Ouais. Qui, en fait, alimente un truc pour le Bojack. Et on apprend que c'est la fille du Bojack. Et si tu veux, il y a un combat, machin, ceci, cela, et elle meurt. Et à ce moment-là, déjà, d'une, tu te dis, merde, quand même, quoi, elle est morte. Et moi, ce qui m'avait beaucoup fait rire, c'est à ce moment-là, il y a les joueurs qui disent aux développeurs, mais en fait, pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé le système New You, donc le système qui recrée la personne, qui la remet en vie, hein, on est d'accord, qui est utilisé dans tout le jeu pour les personnages. Les personnages, ils tombent pas KO dans Borderlands, ils meurent, ils sont resitués dans un nouveau corps. C'est ça. Et il demande au développeur pourquoi est-ce que le Bojack a pas fait pareil avec sa fille. Réponse, il avait envie de s'en débarrasser pour de bon. Bah non, en fait le développeur a été vraiment pris de court, quoi. Il s'attendait pas à un truc comme ça, il restait en mode et en fait il a expliqué que c'était parce que, vous voyez, c'était sa fille. Donc il voulait pas que sa fille elle soit dans un autre corps, quoi. C'était soit c'est sa fille et c'est sa fille, soit il la laisse mourir. Déjà, ça rajoute un peu plus de logique à la situation. Non, parce que c'est de la merde. J'ai dit un peu plus. Le mec, ça rapporte une logique. Le mec, il a vraiment sorti ça parce qu'il savait plus quoi répondre. En fait, il a pas su quoi répondre, quoi. Sur le moment, il s'est retrouvé genre. Ah ouais, putain, en fait, on n'y a pas pensé. À ce moment-là, dans le jeu, il y a une panne serveur. Hein? Non, mais voilà, enfin. Après, ça vient au sujet de la mort dans le jeu vidéo. Parce qu'il y a des morts de personnages. Je veux dire, Aerys, tout le monde a été triste en deux étapes. Tous les gens qui ont joué à Final Fantasy VII, une fois dans leur vie, la première fois qu'ils y ont joué, et même après, il y a des gens qui sont encore tristes, mais la première fois que tu joues, t'es triste en deux étapes. La première étape, c'est « Putain, la salope, il y avait toutes mes matérias dessus !» D'accord. Et la deuxième étape, c'est « Ah merde, en fait, elle est vraiment morte. » Et il y a le « Elle est vraiment morte. » Et j'ai laissé un blanc exprès, hein. J'ai laissé un blanc exprès parce qu'il y a le moment où on fait « Oh putain, elle est morte. Morte, morte, morte. Elle reviendra pas. Il n'y a pas de queue de phénix qui peut la ramener. Elle est morte. » Et t'as un moment de « Waouh !» Et il y a plein de passages dans des jeux vidéo comme ça où la mort a une part importante. Le problème étant que maintenant, bah oui, quand on joue à des jeux multi ou même des FPS ou des trucs comme ça, on peut mourir. Et c'est pas grave. Genre, voilà, Borderlands, on meurt et on revient. Et du coup, comment est-ce que tu fais pour donner un truc qui soit touchant? Parce que si tu suis la logique, tu peux pas tuer quelqu'un puisqu'il reviendra toujours. Donc comment tu fais? Et c'est ça le problème, c'est des fois il faut vraiment niquer la logique. Parce que sinon, tu peux pas faire quelque chose qui est touchant. Tu peux pas rendre triste le joueur. Parce que quand même, qui, en ayant joué à FF7, n'a pas eu un moment où il s'est dit « Putain, je vais venger Aerys, quoi. » Tout le monde a voulu venger Aerys. À sa façon, mais tout le monde a voulu venger Aerys. Parce que Aerys, bah, c'est Aerys, quoi. C'est Titney, tu l'avais level up toi-même. C'était la heal de ton groupe. Et puis c'était un personnage qui était attachant, donc tu disais putain, merde. En plus, c'est un heal qui meurt, putain. C'est le heal qui meurt, quoi, tu vois. Oh, la fin te fait putain, vie de merde. C'est exactement ça, donc tu fais merde, quoi, quand même, à Aerys. Et t'es triste quand la fille du Bojack meurt. Oui, un spoiler, mais j'en ai un à foutre. Quand la fille du Bojack meurt, c'est triste quand même, quoi, parce qu'en plus, si tu Lilith. Si je dis pas de conneries, soit il l'enlève, soit il la tue. Donc, il y a ce moment où tu fais putain, merde, à chaud quand même, quoi. Chaud. Et t'as pas de. Enfin, si t'enlèves ces moments-là. Bah ouais, c'est bien, quoi. Voilà. Tu fais ouais. Voilà. Ouais, non, c'est vrai. Des fois, faut un peu emmerder la logique pour faire quelque chose de bien, quoi. Et voilà. Et donc, oui, moi, ce que je disais, c'est ce qui me ferait kiffer, c'est que le... Ça va être de voir la réaction des gens, en fait, au moment où Aerys est censé mourir. C'est-à-dire de regarder, mais je vais regarder attentivement, quoi. Le moment... Parce que, ouais, parce que là, tu penses que là, sur le remake, du coup, il y aurait une espèce de d'éclaircie sur le mystère de la mort d'Aerys, quoi. Bah, c'est pas un mystère. C'est pas un mystère, parce qu'après, la théorie qu'elle est morte, tout ça, voilà, si tu veux, on connaît, on sait comment ça s'est passé, on sait ce qui s'est passé. C'est comme ça. Mais par contre, il devait se passer autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, vraiment, elle était censée mourir plus tard. Et que, comme je te racontais, le producteur, ou les producteurs, je sais pas exactement, j'en sais rien, moi, a dit, c'est sympa, mais sauf que la fin du CD1, bah, c'est un peu de la merde, quoi. On se fait chier. Donc comment est-ce qu'on pourrait rendre ça mieux? Et si on tuait un perso? Et si elle, au lieu de la tuer dans un demi-CD, dans 10 heures de jeu, on la tue maintenant? Et ça a créé la plus FF7, grande tristesse. Il y a combien de CD? 3. Il y a 3 CD et elle devait mourir au milieu du deuxième. Donc ça se trouve, il y aura 3 épisodes. Bah ouais, moi je. Alors, peut-être pas 3, parce qu'en fait, le truc c'est que le CD1 est extrêmement dense. Vraiment, il se passe beaucoup de choses et il y a très peu de choses qui sont explorées parce que tu as pas le temps en fait de voir des trucs. Donc, on partirait sur 4 épisodes avec le CD1 Mais qui non, serait mais, sur non, 2 épisodes. S'il te plaît, tu me laisses finir? Vas-y. C'est-à-dire que le CD1 est extrêmement dense. Le CD2 est à la longueur d'un CD normal, j'ai envie de dire. Par contre, c'est le CD3. Le CD3 est vide. Parce que tout ce qu'il y a à faire dans le CD3, c'est en fait, il y a juste quelques cinématiques. D'accord, qui n'est pas dans le CD2 du coup. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu as un troisième CD parce que si vous voulez garder la qualité et pouvoir permettre aux joueurs d'avancer et tout, bah, il fallait faire un CD3, quoi. Donc du coup, ils ont fait un CD3 en mettant les cinématiques et la fin. Et c'est tout. Il n'y a pas... Enfin, tout... En fait, le jeu aurait pu être complet à partir du CD2. Sauf que le souci étant que bah c'est un petit souci quand tu peux pas mettre quand tu peux pas mettre tes cinématiques dans un CD, quoi. Chiant. Donc ça devient gênant. Mais voilà, pour moi ouais, il y aurait 3 épisodes à tout casser. Mais pas un par CD, tu vois. Ouais. C'est apparemment de ce qu'ils ont laissé sous-entendre ou de ce que moi j'ai compris, le premier CD serait juste Midgar. Pas plus que ça, t'as juste Midgar. Midgar, pour vous donner en speedrun, il me semble que Midgar en speedrun c'est 2 heures. Il faut 2 heures rien que pour sortir de Midgar. En speedrun. Sachant que le speedrun fait 7 heures. Ah oui, quand même. Donc, là d'un coup, ça devient difficile. Ça devient difficile quand. Enfin, ça devient difficile de se dire, voilà, ça va être nul. Sachant que. Sachant que blablabla, sachant qu'ils ont promis, donc comme on en parlait tout à l'heure, je crois, qu'ils allaient rajouter plein de choses dedans, et que va y avoir, enfin, ça va vraiment être, ça risque vraiment d'être intéressant, quoi, enfin. Moi, je pense qu'effectivement, il va y avoir un premier CD, enfin un premier épisode sur Midgar, un épisode jusqu'à peut-être la mort d'Aerys, justement. Parce que le premier CD, enfin le premier épisode, ce serait cool que ça s'arrête au moment où les héros quittent leur ville, quoi. Tu vois, ils quittent la grande ville et ils partent vers l'inconnu. Fin du CD1. Nickel, tu vois, tu fais putain, c'est génial. Le deuxième épisode, tu l'arrêtes à la mort d'Aerys. Oh, merde quoi, putain, fais chier. Et le troisième épisode, tu l'arrêtes à la fin. Parfait. Mais moi, ce que j'attends, c'est vraiment ce moment de voir les gens arriver au moment où Aerys est censée mourir et voir si elle va mourir ou pas et leur réaction. C'est-à-dire que si elle meurt... Forcément, les gens vont être tristes, machin, c'est voilà, ça va dépendre de comment c'est fait. Mais si elle meurt pas, ça va être encore mieux, quoi. Les gens qui vont être en mode non, Aerys, on est triste, on est machin, et puis qui d'un coup sont en mode mais elle est pas morte en fait. Et rien que ça, moi je trouve ça génial, quoi. Mais genre, il ne la ferait pas mourir jusqu'à la fin, ou il ne la ferait pas mourir jusqu'au moment où il devait mourir. Jusqu'au moment où elle devait mourir. Ou peut-être un autre moment. Peut-être qu'elle mourra plus tôt ou plus tard. Ou... Tu vois, enfin, le moment, moi ce que j'attends et ce que je pense, enfin, j'ai lu que les producteurs voulaient faire, c'est que la... Comment... Pardon. C'est qu'ils veulent surprendre les joueurs encore. Parce qu'effectivement, dans un remake, là par exemple, si demain un speedrunner joue au remake de FF7, il va savoir ce qui va se passer. Parce que forcément, tu l'as vu, quoi. Tu connais, okay. Tu l'as vu. Si c'est, non, mais si c'est, tu vois, si c'est comment, si c'est ressorti exactement comme c'était sorti à la base, bah, tu fais, ouais. Tu sais, ça se trouve, ça fera peut-être partie des choses qui ne sont pas changées, imagine. Ah bah moi, ça me ferait hurler de rire. Ça, moi, ça... Toi, tu verrais comment, honnêtement. Toi, ta vision de la chose, tu la vois comment? Ce passage à la mort, Iris. Bah, en fait, je sais pas trop parce que la façon dont ça a été tourné dans le jeu, hein, la façon dont le jeu a tourné la scène, c'était vraiment, vraiment pour montrer sa mort à elle, en fait. Et je réfléchis. Et en fait, je trouve pas. Je vois pas ce que ça pourrait donner. Ça pourrait être intéressant d'avoir un. Comment? D'avoir un truc. Un truc, bah ouais, plus intéressant justement d'avoir autre chose que juste. Bah, elle meurt, quoi. Tu vois. Genre, je sais pas, genre par exemple. Ils sont en train de... Enfin, tu sais, genre, t'as la même scène avec exactement la même chose qui se passe, quoi. Cloud qui s'apprête à la tuer. Ouais. Et au dernier moment, il baisse son arme et il a une... Genre, il a une vision et il part et il va, je sais pas, moi... Il a une... Enfin, il a une un de ces espèces de flash vision machin bizarre, là. Ouais. Et enfin tu vois je sais pas exactement ce qui pourrait se passer mais il se rend compte qu'il y a vraiment un problème avec lui et à ce moment-là il demande aux autres de prendre soin de lui et tu vois pour faire avancer le truc quoi ou alors au lieu de Zephyros qui vient tuer Aerys c'est le j'ai oublié le nom enfin les autres méchants du jeu ouais Les gens vont savoir de qui je parle sur le chat. Ils vont être un mais c'est ça, grosse merde! Allez vous faire foutre. Mais les autres méchants du jeu qui arrivent et qui attaquent les héros. Donc, du coup, t'as pas besoin de tuer un personnage et tu peux les faire continuer quand même à. À continuer l'aventure pour une raison X ou Y. D'accord. Enfin, moi, dans mon dream scénario, ce serait ça, quoi. Ce serait qu'il y ait un que à la place de tuer Aerys, il tue personne en fait, tu vois. À ce moment-là du jeu, qu'il y ait le j'ai oublié le nom, c'est pas le soldat justement. Final Fantasy VII, c'est Rufus. C'est les mecs de la Shinra. Les gens qui ont joué à FF7 savent de qui je parle. C'est pas le soldat, c'est les... Putain, en plus, j'ai un perso dans un jeu de rôle FF7 qui est de cette organisation-là. Enfin bref, je vais arrêter de chercher parce que là, pour l'instant, j'ai mon cerveau qui est en train de mourir. Mais voilà, ce serait ça, quoi. C'est que vraiment, il y ait ce moment qui est censé être ultra touchant et qui, en fait, sont en mode rien à foutre, quoi. Tu vois. Moi, personnellement, ça me ferait kiffer. Personnellement, ça me ferait bien kiffer. Après, moi, je suis un connard, donc... Moi, je suis enculé, donc du coup... Non, mais faut être honnête, hein. Faut être honnête, je suis un connard. Je pense, comme je te disais, hein, que je vais prendre un gros, mais gros pied. à regarder les gens être en mode oh là là. Ah, c'est voilà, alors ne fais pas de blagues s'il te plaît. Oui. C'est les Turcs. Les méchants du jeu, c'est les Turcs. T-U-R-K-S. Je ne dirai rien. Voilà. Mais non, voilà, et effectivement, que les Turcs arrivent et puis on va te tuer, papapapapan, et puis il y a un combat qui éclate, on se bat contre un boss, et puis on se barre et c'est fini, quoi. Moi, personnellement, ça me plairait bien. Je serais pas en mode oh non, ils ont pas tué Aerys à ce moment-là, je suis triste. Puis tu vois que t'es en train de jouer, t'es dans le glacier, t'es en train de faire ce que tu faisais d'habitude, et au moment où il t'arrive un truc, tu vois, un truc qui était dans le jeu de base, et là, paf, d'un coup, Aerys meurt, et t'es en mode the fuck. Quoi? Je n'ai pas compris ce qui vient de se passer. Je suis choqué. Ça, c'est genre merde. Merde. Mais il y a encore 2 secondes, elle était bien portante, la jeunette. Ah mais c'est ça. Enfin moi ça me ferait bien kiffer. Mais voilà, du coup on va s'arrêter là, je pense. Oui, on est bien là. Dites-nous peut-être en commentaire sur Mixcloud ou truc comme ça ce que vous peut-être vous attendez du ce que peut-être vous vous attendez justement de ce jeu. Si vous avez des attentes particulières ou si au contraire vous êtes plutôt en mode non moi je veux pas y toucher, ça pue la merde, c'est voyez. C'est, on vous laisse la parole. On vous fait des bisous. Alors, je n'ai même plus l'agenda de la radio en tête. Il me semble que le mardi, c'est les 3 moustiquaires avec Emia, Eya et Nina. Le mercredi. J'en sais rien. Je vais aller voir l'agenda sur le site de la radio s'il a été mis à jour. Je suis même pas sûr qu'il ait été mis à jour. Mais quoi? Ah oui, mais non, mais en même temps, je comprends Babal, on n'a pas voilà. Wow, l'angoisse. Donc oui, le mardi à 22h, c'est les 3 moustiquaires, Eya, Emia, Nina. Le mercredi à 22h, c'est Polisson. Apparemment, moi de ce que je vois, j'en sais rien. Le jeudi à 21h, c'est Chouchou et ses drôles de dames avec Jam Riot et avec Rocket et Ben et toutes les autres. Il y en a trop pour toutes les citer. Le vendredi, bah il y a rien. C'est bien, c'est pas du tout l'angoisse générale. Hein. Le samedi, généralement il y a rien. On vous tient au courant, bien entendu, s'il y a une émission, une interview, un truc comme ça qui se prépare. Et le dimanche à 21h, c'est l'arbre de la connaissance par le petit écureuil. Et à 21h30, c'est Miaouzik par Jim Noir. Voilà, et puis nous on se retrouve la semaine prochaine à 21h. Retour CP, je sais pas, ça reprendra peut-être en février quand j'aurai fini ma formation. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous verrons. Voilà, on verra bien. Vous avez qu'à rester et puis vous verrez bien. Voilà, sur ce, je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bye bye, les gens. Des bisous.